erreur, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Moi, je suis quand même le seul mec, un ancien joueur de foot, un ancien journaliste, un ancien jingle. C'est quand même des bons. Pardon à Djibril. Et donc, on va commencer avec Didier Mingot, qui malheureusement nous a quittés, puisque de toute façon, ça sert à rien qu'il reste, puisque bientôt, il sera plus du tout en Coupe d'Europe. On a une pensée pour lui. Dans une semaine, il n'y aura plus aucun club italien en Coupe d'Europe. Ça va être vie ma vie de correspondant aux îles Féroé. Ça va être terrible pour lui. Il pourra toujours venir nous conseiller une petite trattoria, une pizzeria, un truc sympa. Alors Didier, il a quand même dit un truc important. Il a dit réécouter les bandes d'RMC. Alors moi, je veux bien, mais si on réécoute les bandes d'RMC, on va voir Max Meynier, Jean-Pierre Foucault et Pierre Belmar. Parce que c'est fini les bandes d'RMC Didier. Maintenant c'est comme la C1, la C2, la C3 pour Fifi. C'est que faut se remettre au goût du jour les gars. Vous êtes sur une autre planète. Hein. Fifi, je voulais te demander un truc. T'es là Fifi? Oui. Bon. Tout à l'heure il y a Lampard qui a tiré un péno. Oui. Je voulais demander est-ce qu'il a fait une Panenka, est-ce qu'il a fait une Anelka, comment il a fait, est-ce qu'il a fait une bazooka, c'est-à-dire en force comme d'habitude, comment il s'en est sorti? Il l'a mise au fond. Ah, donc c'était pas une Anelka. Exactement. Il a pas tiré sur le gardien en regardant ailleurs et en se grattant une. D'accord. Alors, j'ai vu que tu avais dit que à l'interview de Wenger, on lui a demandé est-ce que Van Persie a-t-il une chance de jouer contre Barcelone? Il a répondu non. Exact. Mais c'est pas un mensonge parce que va demander aux joueurs du Real si c'est une chance de jouer contre Barcelone. C'est ça, je te dis. C'est pas vraiment une chance. Donc, il a vraiment raison, quoi. Puis Fredo, qui a comparé son destin un peu à Keita, puisque lui, pareil, il vient de Lens, et puis il est à Barcelone. Lui, il est au Real, hein. Et il paraît qu'il a une importance aussi forte dans l'organigramme du Real que Keita à Barcelone. Autant te dire qu'il touche du haut. Et il nous a parlé sur le banc, qu'il n'y avait pas de banc à Barcelone. Ah, c'est vrai que c'est un peu comme à une époque, il y avait les Zidanes et les Pavones à Madrid. Là, c'est un peu les Messios et les Gros Nulos. C'est-à-dire que c'est dur à remplacer. C'est comme à Paris, on a les bouts du rouleau contre les Pathéticos. Donc, ça va pas durer très longtemps, la plaisanterie. Alors, Polo, tu as dit rien. Voilà, donc... Rien dit, non, c'est pas vrai, tu nous as parlé de trois mecs qui ont des noms de labos pharmaceutiques, là, que personne connaît, surtout pas Gilbert, mais à part ça, bon. Bah forcément, ça encourage pas de donner la parole, tu fais pas d'efforts. Je prends jamais de médicaments. Tu ne fais pas d'efforts, hein? Ouais. Parce que t'as jamais été en vacances en Espagne, voilà, c'est tout. André Surleu, tu vas en entendre parler. Hein. André Surleu? Ouais. Bien sûr, c'est comme Papier Kraft et compagnie, là. Oui, on va s'éclater. Alors, c'est Déco et Jardin, l'autre, son Bundesliga. Alors, Daniel, qui nous revient de vacances, et ça fait plaisir parce qu'il est bronzé, il est reposé, il est détendu, il est jovial, il était prêt à se mettre une plume dans le cul tout à l'heure, comme au carnaval de Rio, c'était la fête. Et il est arrivé ce matin, oh, attention. Il a fait un rictus hein, en disant bonjour. C'est pour Daniel, c'est l'équivalent de Gilbert à poil sous Exta qui danse avec une ceinture de banane, passe de la Concorde sur une chanson de Bézu. Mais bon, c'est un effort. Et il avait dit un truc sur le Stade Rennais, mais il s'est lâché complètement. Est-ce qu'on peut attendre la phrase? Je leur souhaite de rester jusqu'à la fin à ce classement, j'en doute. Voilà. Donc ça, c'était vraiment c'était qu'il souhaite vraiment que le Stade Rennais reste premier ex-aequo. On sent qu'il y a vraiment de la sincérité. On sent qu'il y a une motivation, Daniel. Et puis bon, voilà, quoi. Moi, j'ai pas souhaité le classement d'Azeco. Bien sûr. Donc c'est pas toi qui viens de dire que tu le souhaitais. Donc absolument. c'est quand même le mec. Il y a encore mieux que les négationnistes. Il y a les mecs qui le nient en l'entendant, là. Mais c'était ironique. C'est énorme. Mais c'est voilà. Enfin, si, c'est ma Lille, l'ironie. Mais c'est pour le bien du foot français, c'est différent. Ah, pardon. C'est pour le bien du foot français. Des fois, c'est bien de ressortir les bandes. Il était content. Daniel, il est content que Lille ait battu Marseille pour le bonheur du foot français, finalement. Bien sûr. Mais oui, ça c'est incroyable, comme t'étais irradié de bonheur du foot français sur le but contre Marseille. Mais tu te trompes. Les arbitres de National qui ont été à la hauteur, hein, ils ont été à la hauteur, ils ont été très bien accueillis par les joueurs, par les entraîneurs et surtout les supporters. On s'est dit, si jamais il y a une faute d'arbitrage, est-ce que ça va bien se passer? Ça s'est très bien passé, puisque, notamment, on me donnait à Lille, il y a eu un pénalty, on a entendu plusieurs supporters dire, il y a pénalty là, vas-y, espèce de bâtard! Et ils ont été donc comparés à Marc Batta, qui est quand même le chef des arbitres. C'est quand même, c'est flatteur. Donc c'est quand même sympa. Donc bravo. Je pense aussi à Monsieur Schneider, l'arbitre d'Auxerre Paris Saint-Germain, qui était en national, qui a arbitré à la Licorne et à la Méno, et qui se retrouve en Ligue 1 à la Baie des Champs. Voilà, à la Baie des Champs. La Baie des Champs, c'est toute la Ligue 1. C'est le mec qui goûte au gigantisme de la Ligue 1. C'est 12 000 personnes à tout casser. Une pelouse en champ de colza, un speaker rougeau, des stadiers bedonnants et des hôtesses à moustache. L'entrée des joueurs sur la Zoubida de la gare, c'est vraiment le haut niveau. Il s'est éclaté, le mec, il va vraiment regretter de retourner en national. Et les hôtesses à moustache. Mais non, et les arbitres de Ligue 1. Les arbitres de Ligue 1, alors qui ont fait la grève parce qu'ils demandent à plusieurs choses, déjà plus de pognon, ça c'est la moindre des choses. Et puis peut-être l'aide de la vidéo, je ne sais pas, parce que bon, mais l'aide de la vidéo, nous on sait que ça ne sert à rien, à part peut-être éventuellement savoir si le ballon est rentré, comme récemment en Coupe de France, est rentré ou pas rentré, alors qu'on sait très bien qu'il y a bien mieux que la vidéo pour savoir si le ballon est rentré ou pas. Il y a Apoula Edel, parce que là on est sûr que le ballon est rentré entièrement et largement. Voilà, donc pas s'emmerder, c'est quand même plus simple. Souleymane Diawara, qui nous a déclaré après la défaite contre Lille que cette défaite c'était embêtant, mais c'était pas décisif, mais que ça allait obliger l'OM à ramer jusqu'à la fin du championnat. Et c'est marrant parce qu'il est vraiment multisport, Diawara, parce que déjà qu'il fait du rugby avec des plaquages d'école sur Gervinho dans la surface, il fait du free fight sur Moussa Sow qui part seul au but, maintenant il veut faire de l'aviron. Alors je sais pas s'il est très bon l'aviron, en même temps il a un style magnifique de relance en touche dans les 22 mètres adverses qui pourrait le faire entrer à l'aviron bayonnais. C'est Rod Fanny, déjà fait... C'est Rod Fanny, ouais. C'est pas grave. Vous savez pas, franchement, entre une Massey Ferguson et un bulldozer, j'ai du mal à faire la différence. Ensuite, Gilles Vessière, on a appris quand même triste nouvelle. Gilles Vessière est en garde à vue, peut-être bientôt en prison. Et on a surtout une pensée pour les prisonniers qui n'ont que le foot comme récréation et qui vont être arbitrés par Gilles Vessière. On appelle ça la double peine. Est-ce que c'est vraiment loyal, hein? Il y a quand même des lois, quand même. C'est moche, c'est moche. Espérons qu'il va sortir, au moins pour eux. Qui s'est déjà fini? Ah bah mince, alors attends, bah les chansons. Juste bon bah les chansons, donc bon, j'ai juste une phrase d'abord sur Bernard Mendy qui vient de trouver un club au Danemark. Hein, c'est magnifique. Alors juste quand même lui dire quand même deux trois coutumes sur le Danemark. Il est arrivé, Danemark n'est pas un double prénom, hein. La petite sirène de Copenhague ne sonne pas tous les premiers dimanches du mois. Et si le Danois est un chien, toutes les Danoises ne sont pas des chiennes. Non, c'est important de le dire parce que souvent les joueurs de foot, ils y connaissent pas grand chose en histoire. C'est souvent, tu leur dis l'histoire, par exemple pour eux les taxis de la Marne, c'est des auditeurs de Jean-Jacques Bourdin. Alors donc c'est important quand même d'en parler. Alors on va passer tout de suite aux chansons. Une petite chanson de Johnny. Une petite chanson de Johnny. J'ai un grand oncle qui a été taxi de la Marne, monsieur. Ben ouais, écoute, c'est bien. Donc Bernard, il s'appelle Bernard. Bernard, allez-y. Bernard, il y a trop d'arabes. Il y en a pas assez. Comment ça se passe? Donnez, raconte. Ça, c'est Jean-Jacques Bourdin tous les matins. Votre avis nous intéresse. Jean-Jacques, on t'embrasse. C'est fou. C'est pas vrai de ça, son avis nous intéresse pas? Alors, Léo Messi, monsieur un ami, hein, je veux dire, je peux dire ce que je veux sur Jean-Jacques Bourdin, c'est comme sur la veille, mais j'en dirai pas plus. Léo Messi, une petite chanson pour lui, sur lui, en tout cas. Allez, 3-4. On a tous quelque chose en nous de Léo Messi. J'avais sa coupe de cheveux, mais c'est fini. Gilbert a son côté béni, oui, oui. Daniel, il a sa taille et c'est tant pis. Quelque chose, Lionel Messi. Didier, Polo, Fredo et mon Fifi. Ils ont un peu son style en boîte de nuit. Tout seul au bar avec un bon jus de fruits. Quelque chose, Lionel Messi. Lionel Dian, son prénom, ça lui suffit. Jérôme Thomas, il a, au fait, c'est qui? C'est qui Jérôme Thomas déjà? Messi! Messi! Quelque chose, Lionel Messi. Merci, merci. Ça a été exceptionnel. Bravo. Tu l'enregistres celle-là, s'il te plaît, Julien. J'espère. J'en ai une sur notre ami, comment s'appelle-t-il? Ouais, Kamel Chafni, quand même, qui est quand même un des héros. Attends, avant de la lancer, parce que je suis pas du tout dans le coup. Hein. Un des héros du championnat, puisqu'il a marqué un superbe but contre le Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de lui rendre hommage. C'est parti! L'élégance et la tactique facile qui rappelle un peu Ronaldinho. Il a la carrure d'Eric Carrière et les dents aussi de Ronaldinho. À la baie des champs, on ne l'échangerait pas contre Messi ou même Ronaldo. Un but tous les 10 matchs pour un joueur de Ligue 1, c'est vraiment un beau ratio. Kamel Chafni, une frappe dévissée dans la nuit. Kamel Chafni, en ce moment tout lui réussit. Kamel Chafni, les yeux fermés et c'est parti. Kamel Chafni, Kamel Chafni, Kamel Chafni, un 1-2 avec Pedretti. Kamel Chafni, la baie des champs est en folie. Kamel Chafni, au cercle, c'est le Barça avec lui. Kamel Chafni, à vous. Kamel Chafni. Merci, bonsoir.